Le collier de perles par Edmond Jalloux. Il n'y avait qu'une ombre au bonheur de M. Montroussard, et cette ombre, c'était Mme Orvalet. M. Montroussard était un homme juste. Il devait à Mme Orvalet 10 ans de bonheur. Il le reconnaissait. Mais il était aussi un homme clairvoyant. Mme Orvalet avait 40 ans et commençait à se faner. Deux circonstances avaient accru cette terrible clairvoyance que M. Montroussard portait dans la vie. La première, c'était que Mme Orvalet venait de perdre son mari, qu'il a laissé à peu près sans fortune, avec un garçonnet à élever. La seconde, qu'il avait rencontré lui-même, chez une amie, une jeune fille ravissante. Or, Mme Orvalet ne doutait point que M. Montroussard ne l'épousât au plus tôt. Et ma foi, il l'aurait fait bien volontiers 10 ans plus tôt. Mais maintenant, il y avait ce pli fâcheux et profond qui soulignait le goût de Mme Orvalet. Il y avait aussi la considérable fortune de M. Montroussard qui entrait en ligne de compte, et il y avait enfin ce délicieux visage mutin et blond que montrait Mlle Albine Poisat. Aussi M. Montroussard espaçait-il, sous les prétextes les plus variés, ses rendez-vous avec Mme Orvalet. Cependant, elle arrivait encore, de loin en loin, à le fixer quelques heures. Ce fut pendant un de ces moments rapides qu'elle lui dit humblement « Mon cher amour, vous ne me parlez jamais d'avenir. Pourtant, nous en avons un aujourd'hui, et puisque je suis libre, rien ne nous empêche plus de nous appartenir complètement. » Alors M. Montroussard sentit qu'il devenait plus clairvoyant qu'il n'était juste. Il considéra la patte d'oie qui commençait de flétrir la tempe de Mme Orvalet, et ce fameux pli qui ridait son cou. Il les regarda sans animosité parce qu'il n'était pas méchant. Mais il évoqua, par comparaison, la peau si lisse et si fraîche de Mlle Albine Poisat. « Je suis heureux, Marthe, dit-il, de vous voir aborder ce problème. Moi aussi j'y ai beaucoup pensé. Certes, nul plus que moi n'eût été heureux et fier de vous donner mon nom, mais... » Mme Orvalet sentit son cœur se glacer en entendant le « n'eût été ». Elle eut l'impression que tout tournait autour d'elle. Elle sentit confusément qu'elle avait aimé M. Montroussard pendant 10 ans, qu'elle l'aimait encore et qu'elle ne connaissait rien de lui ou à peu près. « Mais, reprit M. Montroussard, vous avez un fils qui va sur ses 11 ans. Cet enfant est à l'âge où l'intelligence s'éveille. N'avez-vous pas réfléchi aussi que ce mariage, en attirant l'attention sur nous, risquait de lui ouvrir les yeux et de lui faire soupçonner quelque chose du sentiment si haut et si puissant qui nous a liés ?» M. Montroussard affectionnait les passés indéfinis et les plus que parfaits. Le goût de Mme Orvalet pour ses formes grammaticales était beaucoup moins vif que le sien. « J'ai été le meilleur ami de M. Orvalet. Je l'ai souvent aidé dans ses affaires. Lorsqu'elles étaient brillantes, on nous voyait souvent ensemble. Que dira l'opinion si nous nous marions aujourd'hui ?»« Frédéric ne soupçonne rien, » balbutia Mme Orvalet. « Heureusement, mais une plaisanterie est bien vite lâchée. « Que de regrets n'aurions-nous pas, ma pauvre Marthe, si quelques garnements au lycée lui enseignent de ces allusions qui vous empoisonnent le cœur pour toujours ? Croyez-moi, mon ami, soyons raisonnables, n'affichons pas nos sentiments. La réputation d'une femme est comme la sensitive, un rien la froisse. Renonçons à ce grand bonheur. Il faut savoir se sacrifier à ceux qui portent dans leurs mains le trésor de l'avenir. » Ce déluge de poésie et de grands sentiments étourdit un peu Mme Orvalet. Elle baissa la tête, ne comprenant pas si elle était jouée ou s'il avait affaire à une âme si grande qu'elle n'arrivait même pas à en scruter toute la grandeur. Elle se retira cependant la mort dans l'âme. Mais quelques jours après, elle reçut de M. Montroussard une lettre qui touchait au sublime. Il revenait sur ses scrupules, il faisait appel au sentiment maternel de Mme Orvalet. Son avis était que le jeune Frédéric demandait une immolation plus grande encore, plus absolue. Non point de leur amour, qui durerait autant qu'eux-mêmes, mais du moins de ces rencontres si dangereuses, si inexplicables, maintenant que M. Orvalet n'était plus. Ces considérations jusque-là avaient peu troublé Mme Orvalet, ni même, semblait-il, M. Montroussard. Mais si elle était étourdie, Marthe était consciencieuse. De plus, elle ignorait que toute la ville parlait depuis 11 ans de sa liaison avec M. Montroussard. Et puis, elle était fataliste. Elle courba le front, elle accepta le nouveau destin qui s'offrait à elle, malgré la tragique angoisse qui l'accompagnait, car maintenant qu'elle était ruinée, elle attendait tout de son amant, et en particulier l'avenir de son fils. Au bout de quelques semaines, elle apprit par la rumeur publique les fiançailles de M. Montroussard avec Mlle Albine Poisat. Elle comprit alors ce que cachait la crise de vertu et la grandeur d'âme de son ami. Son indignation fut telle qu'elle voulut d'abord se porter à toutes les extrémités, comme de vitrioler M. Montroussard, par exemple, ou de prévenir Mlle Poisat. Mais la prévenir de quoi? M. Montroussard avait fort correctement rompu avec sa maîtresse avant de se faire agréer comme fiancé. Tout ce que tenterait Mme Orbalet retomberait fatalement sur elle et surtout sur son fils. M. Montroussard avait raison. Il ne lui restait plus qu'à s'immoler en silence. Un soir, elle travaillait à côté de son fils dans le tout petit appartement où elle avait dû se réfugier quand on sonna. Elle était devenue si nerveuse que le moindre imprévu la faisait sursauter. Elle se leva donc et sortit de la salle à manger au moment où sa vieille bonne, qui n'avait pas voulu l'abandonner, vint à elle en lui tendant un paquet. « Ça vient d'un bijoutier, » dit-elle, avec une figure qui trahissait une stupeur considérable. Madame Orbalet arracha la ficelle et ouvrit un écrin. Il contenait la carte de M. Montroussard et un collier de perles. Des perles pures, rondes, chatoyantes. On eût dit que M. Montroussard, même maintenant qu'il ne verrait plus le cou de Madame Orbalet, avait voulu cacher, sous un multiple orient, cette fâcheuse ride qu'il avait tant offusquée. Madame Orbalet eut l'impression qu'on la frappait au visage, qu'on l'insultait en public. Rouge de colère, elle appela sa domestique. Louise. Louise courait au bas de l'escalier, ramenait cet homme, ce porteur, il faut qu'il revienne tout de suite. Pendant que la vieille bonne, penchée au-dessus de la rampe, s'enrouait à crier, Madame Orbalet considérait le long collier irisé. Ah, M. Montroussard croyait qu'on pouvait effacer une infamie avec un cadeau. Elle n'accepterait pas une telle honte. Il verrait bien qu'il y a encore des femmes qui ont le sentiment de leur dignité. Dans la salle à manger, à côté, Frédéric annonçait sa leçon. Sa voix traversait la porte, et soudain, Madame Orvalet eut un frémissement. Dans ce collier qu'elle tenait là, entre ses mains tremblantes, il y avait peut-être 5 ou 6 ans de la jeunesse de Frédéric, une partie de son avenir. Elle cacha convulsivement les perles dans son corsage, car Louise revenait. « Madame, le porteur est là, que faut-il lui dire ?» Et Madame Orbalet répondit, d'une voix balbutiante où elle mettait toute sa soumission humiliée. « Louise, je croyais... Tenez, voici 20 sous pour ce brave homme. Nous avions oublié son pourboire. » C'était « Le collier de perles » par Edmond Jaloux.